l'ingratitude ne paye pas. Mokiliango, c'est pas toi, tu m'as dit, tu m'as dit, Banzema, Banzema, Mama, allo, Bakamba, si est-ce la kate qui nous liwa. Baluka, baye, batila, ya la vie, onyo, iba, kende, malita, babo, tape, wele. Ainsi va la vie. Kossi Bara, le grand ninja. Aziz, le grand Mouyombe, Bana London. Mokili yango, Na sala nini nga papi luntala Mokili zoka nde makambo boye Ozangi baseki Ozwa mpe mabe eloko toko lukati ito yebite Bato yambango bakole laka mikumbele kibango Bapula pe bakole laka kabapasi Ngai papi luntala na lobi L'homme est un éternel insatisfait, n'a vu que la mouillon soya nzambe awa ose. Tout n'a la oui le monde. Iyoé, iyoé. A pour condoré. Iyoé, iyoé. Oh, t'es le calinaré. Iyoé, iyoé. A mole molero. Iyoé, iyoé. Na boy, na bela di boma na bompaka. Na coma irrécupérable. Filonzo tumeke ya William de Winto. Papi Nutella, moi de Paris, de Paris.